Tremblement de terre en Italie hier. Pour la première fois depuis 58 ans, l'Italie ne participera pas à la Coupe du monde de soccer. On a eu beaucoup de. On a vu sur France Football comment que la presse italienne est cinglante envers le sélectionneur italien, également l'équipe de l'Italie. Pour en parler, bon, on parle avec celui qui sera l'analyste encore une fois cette année pour RDS, la prochaine Coupe du monde. On parle évidemment de Jean Goulet. Bon après-midi, Jean. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, Jean. Tout un tremblement qui s'est passé hier en Italie, dans le match retour contre la Suède. La Suède qui a réussi évidemment à jouer la trappe probablement, donc il a perdu et a annulé 0-0, ce qui fait en sorte que l'Italie, pour la première fois en 58 ans, ne participera pas à la Coupe du Monde. Beaucoup de monde l'avait vu venir, hein, le fait que le sélectionneur italien est allé avec beaucoup de joueurs du championnat et pas nécessairement les meilleurs, hein. Oui. En fait, ça faisait un bout de temps qu'on disait que ça n'allait pas être facile pour l'Italie. Déjà, à partir du moment où, donc on remonte à il y a déjà quelques années, ils ont été mis dans le groupe de qualification avec l'Espagne. Donc, il y avait une très grosse probabilité pour que l'Italie finisse deuxième et donc fasse un barrage. Un barrage, c'est sur deux matchs, il peut se passer plein de choses et c'est le pire scénario qui s'est produit, quoi. Ok. Est-ce que ça va avec le fait que, parce que la Serie A italien baissé vraiment. Depuis quelques années, on entend moins parler. On entend parler beaucoup du championnat d'Espagne. On entend parler évidemment de la Premiership parce que il y a beaucoup de matchs à la télévision. L'Allemagne également. La France avec, et aussi qui, avec la signature de Neymar. Mais le championnat italien semble avoir baissé un peu. Est-ce que ça a un lien direct avec le fait que l'Italie ne s'est pas qualifiée? Ça a certainement, c'est une des raisons. Oui, C'est hein? une des raisons, au sens où, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que le championnat italien a beaucoup moins d'argent qu'il n'avait avant. Quand on compare à ce que l'Italie avait dans les années 90, où il dominait vraiment la scène de club, hein, où il gagnait, mettons, une Coupe d'Europe sur deux, c'est plus vrai maintenant du tout. Les clubs italiens en Europe sont beaucoup moins respectés, beaucoup moins présents. La Juventus de Turin a eu, oui, deux finales ces dernières années, mais c'est vraiment une exception par rapport aux autres. Et c'est vrai que d'une façon générale, le championnat italien et le niveau du football italien n'a pas progressé sur ces dernières années, alors que dans d'autres pays, tout le monde a monté de 1, 2, 3 niveaux. Ok. Est-ce que le fait que Giovinco n'était pas dans l'alignement. Giovinco, c'est un joueur électrisant dans la MLS, probablement un des meilleurs joueurs, quoi qu'il est blessé là, avec le Toronto FC, mais c'est quand même, écoute, là, il aurait pu participer à certains matchs. Là. On sait pourquoi le sélectionneur italien l'a fait, parce que évidemment, lui, il disait, c'est il a regardé un petit peu les joueurs de la MLS de haut. Est-ce que Giovinco aurait pu aider l'Italie? Certainement. Oui, hein? Certainement. Certainement, quand on voit les deux matchs qui viennent de jouer, et je ne vais même pas revenir sur les trois ou quatre matchs précédents qui n'étaient pas bons non plus, mais simplement sur les deux matchs de barrage, l'Italie a manqué terriblement offensivement, a manqué de joueurs capables de faire la différence dans les 30 derniers mètres. Giovinco, il est capable de créer quelque chose, il est capable de marquer, il est capable d'apporter le petit quelque chose différent qui va complètement surprendre une défense et ça aurait été intéressant de le voir avec cette équipe, d'autant que c'est une équipe qui manque pas de d'attaquants intéressants, mais qui n'ont pas les joueurs qui vont les servir pour leur donner des ballons de but. Au bout du compte, c'est ça. Ok. C'est quoi la suite des choses? Il va y avoir des têtes qui vont rouler certainement en Italie, là. Ça n'a pas de sens. Bah, la première, c'est Gianpiero Ventura, hein, le sélectionneur. Hein, il a dit qu'il restait. Pour l'instant, il n'avait pas décidé, mais il est certain qu'il ne va pas rester. Et il va certainement y avoir nomination d'un entraîneur beaucoup plus... Au départ, Ventura, c'était une erreur monumentale et on voit les conséquences là maintenant. Mais là, je pense que la fédération italienne va aller avec quelqu'un disons, beaucoup plus reconnu, donc on connaît le travail, dont on sait qu'il est capable de livrer la marchandise, finalement. Je parle de probablement Carlo Ancelotti ou quelqu'un de qui est maintenant libre, quelqu'un de ce calibre-là. Mais c'est vrai que Ventura prend une énorme part de l'énorme catastrophe qui est arrivée à la sélection italienne, hein, c'est certain. Après lui, il est possible que la fédération italienne connaisse des changements, que ce soit le président et les gens qui finalement ont embauché Ventura, parce que ça a été une erreur. Dans les programmes U17, U20, tu sais, les championnats qu'on a eu cette année, là, que vous avez présenté à RDS, j'ai pas suivi ça du tout, là, mais c'était quand même les prochaines grandes vedettes. Est-ce que le programme plus bas est bon du côté d'Italie? Oui, il est bon. Okay, il est bon. Oui. À partir des moins de 21. Et je dirais même que l'équipe actuelle, en tout cas, non. Les joueurs qui existent, qui sont dans le championnat italien actuel, devraient être ont ce qu'il faut pour se qualifier pour une Coupe du Monde et même bien y figurer. On l'a vu il y a 2 ans à l'Euro, au championnat d'Europe, où l'Italie a été très bonne. Ouais. Et c'est simplement, il faut qu'ils prennent un tout petit peu plus d'expérience. Et puis, il faut qu'il soit mis en place par un sélectionneur qui sache ce qu'il fait. Ce qui n'a pas été le cas sur les 2 dernières années, hein, enfin sur les 18 derniers mois, avec Ventura, qui a changé de système, qui n'a pas sélectionné ou n'a pas fait jouer les meilleurs joueurs ou les joueurs les plus en forme sur le moment, et qui s'est obstiné dans certains systèmes de jeu qui n'avaient pas de sens. OK. Oui, parce que ça commence là aussi, le programme de foot commence là en Italie aussi. Commence dans les U17, commence dans les U20, c'est la relève en fait, là. C'est ça qui est important. Et ça commence même plus tôt, ça commence dans les U15. Un autre problème, parce que si on veut analyser l'échec de l'Italie, là, il y a un nombre incroyable de problèmes. Un autre problème, c'est que les clubs, ou enfin une grosse majorité de clubs, ne font pas l'effort nécessaire dans la formation et dans les académies. Ouais. Ils dépensent beaucoup moins d'argent que la France, que l'Angleterre, que l'Espagne, que l'Allemagne dans leurs académies. Donc, forcément, il y a un ralentissement de jeunes bons joueurs qui arrivent. OK. Monsieur Gounel, l'Italie pas là, le Chili, que les deux gagnants de la Copa América ne sont pas là aussi, les deux, après ça, les États-Unis, l'Argentine qui a passé un cheveu avec Lionel Messi d'être éliminé, bonne ou mauvaise nouvelle pour la Coupe du Monde? Bonne dans le sens que c'est ça prouve à quelque part que des nouvelles équipes, et mauvaise à quelque part, parce que, tu sais, je m'imagine mal un tournoi de la Coupe du Monde de hockey sans le Canada. C'est à peu près pareil, là. C'est un peu ça. La Coupe du Monde, c'est dans le monde entier. La Coupe du Monde, il y a 3 équipes. Il y a l'Allemagne, il y a le Brésil, il y a l'Italie. L'Argentine, parce que l'Argentine. Je mettrais l'Argentine, la France, l'Espagne, l'Angleterre à un degré en dessous. Là, je parle des 3 équipes qui ont été les plus titrées. Et puis qui sont régulièrement là, qui sont vraiment des pays de base. Il n'y a pas de Coupe du Monde sans eux normalement. Ouais. Écoutez le Fratelli d'Italia, l'hymne national en début de match, on sait qu'on est à la Coupe du Monde. Quoi. Alors ça va être un manque, énorme. De ces 3 pays-là, donc Allemagne, Brésil, Italie. L'Italie en plus est je crois l'équipe qui crée le plus de passion. C'est-à-dire que c'est l'équipe, comparée à toutes les autres, je pense, qu'on aime ou qu'on déteste. Ouais. Il n'y a pas de moyenne mesure. Il y a des gens qui adorent et puis il y a des gens qui la haïssent complètement. Et elle crée des passions. Et une Coupe du Monde sans l'Italie, ça va être un manque. Oui, ça c'est clair. Donc on va suivre ça de près. Le tirage, prochaine étape, le tirage a lieu en décembre. Et ça va être un... 1er décembre. 1er décembre, ok. Donc ça va avoir un impact aussi. Puisqu'il y a question d'impact, M. Goudin, puisque je vous ai Rémi Garde comme à la tête de l'impact. On en a parlé souvent, là... que le marché francophone, c'était un marché qui n'était pas exploité par l'impact. L'arrivée de Garde, qui a des contacts avec Lyon, qui a des contacts en France, ça va ouvrir un autre marché, ça, le marché francophone? Ça, l'équipe en MLS, c'est francophone? Ça devrait ouvrir un marché. Effectivement, il a beaucoup, beaucoup de contacts. C'est un très bon entraîneur. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est une personne qui écoute aussi, qui est capable d'un petit peu de c'est une personne capable de comprendre son environnement et de s'ajuster ou en tout cas de faire avec, ce qui n'a pas toujours été le cas, disons, avec d'autres entraîneurs. C'est un bon choix, c'est effectivement une possibilité d'ouverture vers d'autres sources de recrutement, parce que c'est vrai que là on était un petit peu trop fixé sur Bologne et l'Italie et le propriétariat qu'avait Joey Saputo avec Bologne, et on tournait un petit peu trop vers ça. Donc là, Garde semble être une option un petit peu différente et qui pourrait apporter de nouvelles idées, de nouvelles choses à l'impact. Effectivement. Jean Gounel, on va se reparler quand l'actualité du soccer le demande. Oui. Notre collaborateur, un de nos collaborateurs de soccer, Jean Gounel de RDS.